réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci de commencer la journée et la semaine avec Un autre jour est possible. Toute cette semaine, notre tête chercheuse est l'historien d'art Frédéric Helsig, spécialiste de l'œuvre de Jérôme Bosch. Longtemps, on a abordé l'œuvre de Bosch de deux manières, deux traditions différentes, d'abord et très longtemps. Bosch était considéré comme un magicien de l'imaginaire, dont l'ésotérisme est décrypté à travers l'alchimie, l'astrologie, voire quelques doctrines hérétiques. Et puis ensuite, Bosch a été vu comme un moralisateur virulent, qu'il représente les vices que pour mieux les condamner. Notre tête chercheuse nous propose, lui, de contextualiser les œuvres du maître pour mieux comprendre sa démarche. Dans l'atelier de Bosch, et le titre de notre série, dans un instant, le premier épisode. Et puis en ce moment, vous le savez peut-être, en ce moment a lieu l'exposition Hieronymus Bosch, vision d'un génie, jusqu'au 8 mai en Hollande, à Bois-le-Duc, et puis du 31 mai au 11 septembre, au Prado, à Madrid. Un autre jour est possible, c'est aussi l'actualité culturelle, et en deuxième partie, comme tous les mois, la chronique de Laurent Nunez, qui est attendue aux alentours de 6h20. Il est en route, tout va bien, nous sommes le lundi 18 avril, un autre jour est toujours possible, c'est parti. De Jérôme Bosch avec Frédéric Helsig. Premier épisode, jugement dernier. Bonjour Frédéric Helsig. Bonjour. On est avec vous donc toute cette semaine pour aborder l'œuvre de Bosch. Mais tout d'abord, une question. Comment vous êtes-vous arrivé à Bosch? Alors, je suis arrivé à Bosch par véritablement l'étude d'abord des manuscrits. Qui m'a conduit à m'intéresser notamment aux drôleries marginales. Or, l'œuvre de Bosch est véritablement remplie de drôleries, et c'est comme ça que je suis entré dans l'œuvre de Bosch. Historien de l'art, vous enseignez par ailleurs l'art médiéval à l'Université de Genève. Merci d'être venu nous parler de Bosch toute cette semaine. Alors, on commence par un tableau qui est un tableau très particulier parce qu'il est documenté. Au moins, on sait qu'il est de Bosch, du maître. Oui, effectivement, c'est un triptyque qui est aujourd'hui conservé à l'Académie de Vienne. Triptyque absolument remarquable par son iconographie. Si on le décrit simplement pour que les auditeurs le visualisent, donc fermé, il représente en grisaille deux saints, qui sont Saint Jacques, qui est en train de marcher dans un paysage, et puis Saint Bavon, qui est habillé en élégant, qui tient un faucon sur le poignet gauche et qui est en train de faire l'aumône aux pauvres. Deux saints très importants parce que l'un est le patron de la Castille, l'autre patron des Pays-Bas. Qui donne déjà l'importance en quelque sorte du triptyque. Lorsqu'on ouvre ce triptyque, on découvre tout en couleurs et avec de très belles couleurs le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est généralement la représentation du jour dernier, le moment où les morts sont jugés, les uns allant au paradis, le paradis futur, les autres en enfer. Or, ce que nous découvrons est tout à fait original. Nous voyons, en quelque sorte, une lecture totalement différente de la tradition qui va de gauche à droite. Tout à gauche, au lieu d'avoir le paradis futur, nous avons le paradis perdu, c'est-à-dire l'Éden, à la place de la Jérusalem céleste. Alors, tout au long du XVe siècle, les peintres, que ce soit Van der Weyden, Memling, les plus importants peintres flamands, ont toujours représenté le jugement dernier avec au centre le Christ juge, à notre gauche le paradis futur et à notre droite l'enfer. Or ici, en commençant par un paradis passé, perdu, il induit en quelque sorte une lecture qui doit se faire de gauche à droite. Et donc une vision assez négative, puisqu'on va forcément du paradis vers l'enfer. L'enfer qui est non seulement le futur, mais qui est aussi le présent, puisqu'il occupe les deux volets de ce triptyque. Alors si je décris de manière un peu plus précise l'intérieur, nous voyons tout à gauche l'Éden comme une sorte de d'étendue verdoyante, au premier plan duquel nous trouvons la naissance d'Ève, ce qui est une note de misogynie typique de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire que le malheur de l'humanité commence avec la création de la femme. C'est un trait également qui caractérise très bien Jérôme Bosch. Puis le péché originel, puis la chute, c'est-à-dire le moment où Adam et Ève sont chassés du paradis, qui arrive dans le panneau central. On arrive donc dans une représentation de l'enfer, conséquence de la chute, enfer dans lequel tous les péchés sont représentés de manière extraordinairement vivante, avec une série de monstres plus amusants les uns que les autres, qui sont comme les drôleries des marges des manuscrits gothiques constituées par des hybridations entre le monde minéral, végétal, animal et humain. Quelque chose de tout à fait remarquable, qui n'est pas nouveau, mais que Jérôme Bosch a transposé de l'univers confidentiel des manuscrits à celui d'un retable monumental. Et cet enfer se poursuit dans le volet droit, avec des représentations surdimensionnées de personnages, notamment un profil vert qui crache du feu, et toute une série d'incendies qui constituent une des spécialités du peintre. Donc on peut dire véritablement que le jugement dernier transgresse le schéma traditionnel de l'iconographie du jugement dernier pour en faire quelque chose qui parle à la première personne. C'est Bosch qui exprime sa vision eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières, et qui est une vision naturellement très pessimiste, comme d'ailleurs est pessimiste une large partie de la conception du monde autour de 1500. Et est-ce qu'à partir de cette œuvre, on a déjà, vous venez de le dire, une idée du Moyen-Âge, de l'époque, mais est-ce que déjà il y a la patte de Bosch? Alors je dirais même que c'est l'œuvre absolument de référence pour reconstruire le style de Jérôme Bosch, parce qu'il s'agit à peu près de la seule œuvre documentée. En effet, dans les documents qui concernent Jérôme Bosch, il y a toutes sortes de documents qui notamment parlent de son mariage. On sait qu'il est marié en 1481 à une patricienne de Bois-le-Duc qui lui donne un statut plus important. On sait qu'il fréquente, grâce à ce mariage, la confrérie Notre-Dame, qui est une sorte de club aristocratique de Bois-le-Duc, où il rencontre l'essentiel de sa clientèle. Mais très peu de documents ont trait à des œuvres, et encore moins des œuvres conservées. Il s'agit certainement, avec le triptyque de Vienne, de la seule œuvre documentée qui correspond à un document de septembre 1504, document dans lequel on sait que Philippe le Beau, qui est gouverneur des Pays-Bas, commande à Jérôme Bosch, dont c'est la première mention en tant que Bosch, c'est-à-dire avec le surnom, parce qu'en réalité, il s'appelle Jérôme Van Aken. Il prend le surnom de Bosch à partir de cette œuvre pour, en quelque sorte, montrer qu'il a une clientèle internationale. Parce que Bosch est un surnom qui est forgé sur sa ville d'origine, Bois-le-Duc, s'Hertogenbosch en néerlandais. Et donc, on voit par ce surnom Bosch qu'il travaille pour une clientèle hors de Bois-le-Duc. Et en effet, Philippe Le Beau se trouve à Bruxelles. Il a son palais à Bruxelles. Et c'est pour la chapelle du palais bruxellois, pour la cour, que ce jugement dernier est réalisé. Alors, à partir de ce tableau, est-ce qu'on peut résumer le Bosch d'avant la consécration de cette commande ? Alors, disons que c'est une œuvre pivot qui va permettre à la fois de créer un groupe autour de cette œuvre et donc de proposer des attributions, des œuvres qui partagent les mêmes caractéristiques stylistiques, certaines que l'on pourra placer avant et d'autres que l'on pourra placer après. La chronologie étant véritablement donnée très importante pour contextualiser une œuvre, mais qui fait encore débat aujourd'hui. Et même le fait de reconnaître le triptyque de Vienne comme l'œuvre commandée par Philippe Le Beau fait également débat. Plusieurs historiens de l'art ne partagent pas ce point de vue. Pour ma part, je considère que la seule présence sur le revers de Saint-Jacques, qui est patron, comme je l'ai dit, de la Castille, et de Saint-Bavon, qui est patron des Pays-Bas, désigne comme commanditaire Philippe Le Beau, qui a précisément cette double fonction. Il est gouverneur des Pays-Bas, mais à partir de la mort de sa belle-mère, Isabelle de Castille, devient également le souverain de la Castille. Et par conséquent, ces deux saints montrent bien qu'il s'agit de Philippe Le Beau, le véritable commanditaire de cette œuvre, et par conséquent fait de ce triptyque une référence pour reconstruire aujourd'hui la production certaine de Jérôme Bosch. Alors, s'il fallait parler des années d'avant 1504, il a quel âge en 1504, Jérôme Bosch ? Alors, il est né à peu près en 1450-55. À vrai dire, on ne connaît pas exactement la date de naissance. Dans les années 1940, l'archiviste de Bois-le-Duc, Jan Mosmans, avait trouvé un document qui relatait l'acte de naissance, en quelque sorte, de Jérôme Bosch en 1453. Mais il n'a jamais produit ce document qui n'est plus conservé. Et donc, tout le monde a mis en doute, finalement, cette date de 1453. Donc, on retient généralement qu'il naît entre 1450 et 1455. Et donc, il aurait, au début du XVIe siècle, une cinquantaine d'années lorsqu'il est consacré, en quelque sorte, par sa clientèle bruxelloise, c'est-à-dire par la cour des Habsbourg. Et qu'est-ce qu'il a fait avant ? Alors, les documents nous permettent véritablement de reconstituer en quelque sorte son parcours sans pouvoir donner une œuvre précise. Les historiens de l'art ont proposé de placer dans la première phase plusieurs œuvres dont certaines aujourd'hui ont été totalement écarté du jeu, parce que il y a quelques années, lors de l'exposition organisée à Rotterdam en 2001, consacrée à Jérôme Bosch, l'ensemble des analyses dendrochronologiques, c'est-à-dire les analyses qui permettent de dater la date d'abattage de l'arbre qui sert pour constituer les supports des peintures, a permis de donner des terminus postquem, c'est-à-dire des dates qui permettent, disons, de dire « après cette date, l'œuvre a été réalisée ». Or, parmi ces œuvres de jeunesse que les historiens de l'art avaient placées dans les années 1480-90, plusieurs de ces œuvres avaient des dates impossibles, qui ont été exclues même de l'ensemble du corpus de Bosch. Et aujourd'hui, il reste très peu d'œuvres que l'on place avant. Et notamment, il en est une qui pourrait être véritablement une des premières œuvres de Bosch qui partage les caractéristiques stylistiques du jugement dernier de Vienne. C'est un Ecce Homo qui se trouve à Francfort, c'est-à-dire le moment où l'on présente le Christ à la foule. Et c'est Ponce Pilate qui présente le Christ à la foule. Une représentation qui s'inscrit parfaitement dans la tradition iconographique, qui n'a pas véritablement ce qui fait la spécificité encore de Bosch tel qu'on l'apprécie à la cour, mais où l'on sent déjà, par les types morphologiques, certaines caractéristiques qui seront celles de Jérôme Bosch. Frédéric Elsig, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut parler d'un style Bosch ? Oui, dans un certain sens, le jugement dernier est le point de départ pour un véritable style Jérôme Bosch. Il faut bien revenir dans l'atelier. Oui, effectivement. Très bonne remarque, parce qu'on verra que il faudrait préciser Jérôme Bosch, puisque on sait que son entourage, sa famille, puis son atelier vont beaucoup travailler, et beaucoup d'œuvres de cet atelier vont être attribuées à tort ou pas à Jérôme Bosch. Mais s'il fallait définir ce style de Jérôme Bosch, en quoi il est influencé par tout ce qu'il a vu à l'époque, par le Moyen-Âge, par les maîtres, et en quoi il va se démarquer des autres pour imposer son style? Je dirais que quand on parle de style, il faut bien distinguer ce qui relève de l'invention et ce qui relève de l'exécution. Ce sont deux catégories essentielles pour articuler la notion de style. Or, l'invention de Jérôme Bosch est particulièrement original. Et ce qui fait la plus grande spécificité de ce peintre est précisément d'inventer de nouveaux sujets, à partir de la toute fin du XVe et du début du XVIe siècle, qui soit transgressent les codes iconographiques, soit les réinventent complètement, comme on aura l'occasion de le voir plus tard, et qui, en même temps, répond à un goût pour l'originalité qui est propre à la cour de cette époque. Et si l'on regarde l'exécution, on se rend compte que les œuvres qui se rattachent au groupe du jugement dernier de Vienne ont une exécution toujours très caractérisée par un dessin incisif qui définit les contours de manière très patiente, par des types morphologiques également que l'on retrouve depuis le Ecce Homo de Francfort jusqu'au jugement dernier et au-delà. Et ce trait va évoluer, comme on va le voir avec vous toute cette semaine. Merci beaucoup Frédéric Elsig, et à demain. Merci à vous, à demain. Dans l'atelier de Jérôme Bosch, deuxième épisode, donc demain à la même heure. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et comme tous les mois, nous retrouvons Monsieur Bizarre. Laurent Lunez, bonjour. Bonjour Toufik. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Mais écoutez, vous savez, il paraît que c'est pas très gentil de mettre des gens dans des cases. Bon, mais avouez que quand même c'est pratique pour ranger des objets, pour garder son appartement propre, hein, les cases. Ben regardez, par exemple, c'est oui, bien. Oui, regardez ces objets spéciaux, hein, que sont d'ailleurs ces livres. Nous avons l'habitude dans les librairies, dans les bibliothèques, hein, de ranger ces parallépipèdes selon le nom de l'auteur, bien sûr, mais surtout, vous savez, selon le genre du texte. Roman, essai, poème, autobiographie. Ces segmentations sont hélas devenues assez floues hein, ces dernières 50 années, les années post-modernes comme on dit, ou disons qu'elles ont elles-mêmes subi des segmentations. Tenez, bah, la plupart des universitaires européens font par exemple la distinction entre roman et récit. Alors que pour le grand public, c'est pas si évident que ça. Surtout au pays de l'autofiction. Hein. Oui, voilà. Oui, ben voilà. Et derrière l'autofiction, est-ce qu'on va la ranger dans une étagère à part, ou alors on l'intègre au gros ensemble de l'autobiographie? Si on ajoute à cette typologie, bah, les sotties de Gide, par exemple, les proèmes de Ponge, ou même les biofictions qui se multiplient depuis 5 ou 6 ans et qu'on voit à chaque rentrée littéraire, bah, on comprend que les débats ne sont toujours pas achevés et ils ne sont pas prêts de l'être. Et vous savez, devant ces subdivisions d'Européens raffinés, les Anglo-Saxons ont haussé les épaules et ils ont tranché plus simplement. D'un côté la fiction, de l'autre la non-fiction. Voilà, c'est tout. Ça se range comme ça. Pas besoin de plus pour ranger une librairie, et ça c'est vrai. Une case pour ce qui est inventé, une case pour ce qui est réel. Une case pour le faux, une case pour le vrai. On peut applaudir ou regretter cette simplification binaire. Elle fera en tout cas rire cette semaine où paraissent en librairie quelques livres justement problématiques, de véritables monstres littéraires dont je vais parler maintenant dans une présentation tératologique. C'est un adjectif que j'aime beaucoup, que j'ai découvert chez Hugo, qui veut dire par rapport aux monstres. Je vous l'offre. Très bien, on apprend des choses ce matin quand même. Alors, premier livre monstrueux, est-ce que vous saviez, Toufik, que les éditions Gallimard publient ainsi, c'est complètement inédit, la correspondance entre Sigmund Freud et Benedictus de Spinoza? Non. Oh, ben oui, la correspondance entre ces deux immenses intellectuels, ces deux juifs renégats, dont l'un vécu au XVIIe siècle et l'autre au XXe siècle. C'est peut-être à cause de ce gouffre temporel que cette correspondance était restée inédite. Ça, je le comprends. On la doit en tout cas à Michel Juffet, qui n'est pas un romancier, mais un philosophe, et qui a écrit ou retrouvé les 16 lettres des grands hommes, de ces grands hommes qui ne se connaissaient pas. Et ça qui est intéressant. Alors, on sait que Freud lut quand même le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza, mais il avait 80 ans, donc ça, on l'excuse. Mais jamais, jamais il ne cite à Spinoza dans un de ses livres. C'est extrêmement intéressant. Aucune allusion, un silence, donc cette correspondance annule, à peu près. Mais de quoi donc parlent justement ces deux amis qui ne se connaissent pas, mais qui sont amis de la pensée, et leur pensée est amie, exactement. Eh bien, il y a de la Bible, de la Torah, deux livres qui rendent sceptiques ces deux athées, de Moïse, qui pour les deux devait être un très bon homme politique, de la famille, de l'inconscient, auquel Spinoza ne croit guère, puisqu'il veut être un homme très libre, donc de la famille, de la place des femmes, et il parle surtout, et ça c'est très intéressant pour nous, de la difficulté d'ouvrir les yeux des hommes. Et c'est normal, car vous savez que l'un fut excommunié, c'est Spinoza, il a même dû subir une tentative d'assassinat en plein dans la rue, et que Freud, lui, fut insulté toute sa vie pour ses théories sexuelles, toute sa vie, et même, fut même après, quoi. Même aujourd'hui, oui. Oui, et voilà, et même encore aujourd'hui, avec, vous savez, le fameux livre noir de la psychanalyse, etc. Donc voilà une lecture incroyable, une lecture vraiment jouissive, vraiment folle. Oui, mais Laurent Nunez, une fausse correspondance qui est aussi une vraie bonne idée d'éditeur, mais c'est une fausse correspondance. Alors, c'est une fausse correspondance. Tout est inventé, évidemment. La séparation des trois siècles est là pour le prouver. Mais c'est ça qui est génial, c'est que ce n'est pas une astuce gratuite. Ce sont des vrais textes, en revanche. Alors voilà, c'est vraiment Freud qui expose à Spinoza ses propres théories, et Spinoza qui expose aussi ses propres théories. Ça montre, vous savez, ça montre qu'il n'y a pas de solution de continuité dans la pensée. Il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler de gouffre épistémologique, comme ce qu'on appelle en philosophie, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture de pensée entre les penseurs. Personne ne se crée ex nihilo, et ces deux hommes que tout sépare, et bien finalement se rejoignent sur énormément de liens sur l'homme, sur l'impossibilité de trouver quelque chose de supérieur à l'homme, et sur la nature. Ça c'est vraiment un livre qui m'a passionné, parce que vous voyez, c'est à la fois imaginaire, c'est une correspondance qui décrit ce qui ne s'est pas passé, et en même temps c'est réel parce qu'elle expose des idées et des faits qui comptent encore actuellement. L'éthique de Spinoza, voilà, c'est le plus grand livre. Vous savez que Goethe a mis toute sa vie à le lire, il a même pris une année entière pour le lire tranquillement chez lui. Tous les livres de Freud qui viennent passer dans le domaine public il y a quelques mois, voilà, c'est une lecture indispensable pour nous. Et ben voilà, on a un objet que je ne peux même pas qualifier. Alors, une correspondance, ce qui n'est absolument pas gratuit, et qui n'est même pas là pour montrer la supériorité de l'auteur, pour montrer à quel point il a tout compris de ces deux-là. C'est vraiment, on peut presque l'utiliser, vous savez, comme un vade-mecum, comme une introduction à ces deux philosophes. Mais néanmoins, Michel Jufay connaît bien aussi bien Freud que Spinoza. C'est le propre des spécialistes, c'est d'être capable de pouvoir introduire à la pensée des grands hommes. Donc vraiment, voilà. Moi, en tout cas, il faut vraiment saluer, je pense, l'audace et l'inventivité de Michel Jufay, voilà, qui écrit si loin des livres préformatés qui envahissent les librairies. C'est chez Gallimard dans la collection Connaissance de l'inconscient. Oui, dans la très sérieuse collection Connaissance de l'inconscient. Très beau livre, par ailleurs. Un autre livre monstre. Allez. Il faut regarder du côté de Philippe Forest, qui publie chez Gallimard Une fatalité de bonheur. Ah, je dirais chez Grasset, moi. Ah, pardon, c'est chez Grasset, évidemment. Bon. Oui, il publie chez Grasset Une fatalité de bonheur. Fatalité de bonheur, c'est une citation de Rimbaud, vous avez reconnu, dont les vers font souvent d'excellents titres. Et vous savez, c'est pas André Téchiné qui nous contredira, puisqu'on peut toujours voir au cinéma son dernier film intitulé Quand on a 17 ans, qui lui provenait lui-même d'un vers de Rimbaud. Passons. Donc, dans Une fatalité de bonheur, Philippe Forest prend 26 mots, plus ou moins présents dans les poèmes de Rimbaud. Il les range par ordre alphabétique parce que c'est dans la collection Alphabet de Grasset. Et il essaye de les commenter. Alors, le commentaire littéraire, c'est un exercice qui est d'ailleurs au bac, qui est d'ailleurs un des rares, qui est d'ailleurs une exigence française. Le commentaire littéraire, ça n'existe pas dans d'autres pays. C'est une épreuve du bac. Et Philippe Forest, il est professeur d'université. Donc au début, son commentaire, oui, il est universitaire et littéraire. Mais comme Forest est aussi un assez bon écrivain et autobiographe, son commentaire déborde. Et devient de plus en plus personnel, de plus en plus intime. Et oui, Forest se met donc du coup à commenter ses textes rimbaldiens comme si ces textes le concernaient, comme si Rimbaud ne parlait que de lui. Et ça marche. Forest dit « Le miracle est que l'oracle dit vrai ». C'est-à-dire que ce que Rimbaud va prophétiser sur Forest se réalise. Alors, c'est un livre passionnant. Vous savez, quelqu'un avait déjà essayé de faire ça. En 61, je sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait Feu pâle. Et le monsieur s'appelait Vladimir Nabokov. Un livre, c'est publié dans l'imaginaire Gallimard actuellement. Un livre formidable. C'est un universitaire qui essayait d'expliquer le poème d'un grand écrivain qui était son voisin. Mais l'universitaire était un peu dingue et il était persuadé que le poème, en fait, que le poème qui était un poème de guerre, et en fait était un poème qui ne parlait que de lui. Et ainsi il avançait vers par vers. La narration avançait comme ça dans le roman le plus drôle vraiment que Nabokov ait écrit. Bon, alors il n'y a pas cet humour chez Forest. Évidemment, Forest n'est pas le plus grand écrivain humoriste, ça c'est sûr. Mais son livre pose la grande question, la grande énigme de la littérature, et si certains livres nous étaient prédestinés ? C'est-à-dire, et si c'était cela, finalement, la définition de la littérature, ensemble de livres qui parlent de nous, alors qu'ils ne nous connaissent absolument pas. Vous savez, comme cette tache d'encre que les psychologues nous montrent du doigt et où chacun reconnaît un papillon, une fleur, là, un dinosaure, et qui en fait ne reflète que nos obsessions, c'est-à-dire ce que nous voyons partout alors que ça n'y est pas, Philippe Forest arrive avec Rimbaud à montrer ça. Serait ça la littérature, dit et montre le livre de Forest, quelque chose qui parle de moi en secret. Merci Laurent Nunez, on se retrouve le mois prochain. Avec grand plaisir. Vous nous faites le générique de fin comme les invités d'un autre jour ? Bien sûr. Alors c'était Un autre jour est possible, une émission de Tout fait KKM préparée avec la collaboration d'Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. Et aujourd'hui avec la chronique de Laurent Nunez. Pour tout ça, on peut s'abonner au podcast de cette émission en passant par le site franceculture.fr. Voilà, Un autre jour est possible est réalisé par Thomas Duterre et aujourd'hui à la technique, c'était Claude Mieux. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée à Jérôme Bosch en compagnie de Frédéric Helsig. Et en deuxième partie, je recevrai Claire Vassé pour son roman « Où va le chagrin quand il s'en va ?» Vaste question, Laurent. Très belle question, digne de Shakespeare. Où va la neige quand elle s'en va ? Bonne matinée sur France Culture, à demain.